23-27, activation orale, futur. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Je me demande si Mireille va être là. Et vous dites? Oui, bien sûr, elle sera là. Allons-y. 2. Je me demande si elle va téléphoner. Oui, bien sûr, elle téléphonera. 3. Je me demande s'ils vont finir ce soir. Oui, ils finiront. 4. Je me demande si je vais comprendre. Oui, bien sûr, tu comprendras. 5. Je me demande si ça va s'arranger. Mais oui, ça s'arrangera. 6. Je me demande si elle va trouver le temps. Oui, bien sûr, elle trouvera le temps. 7. Je me demande s'ils vont partir. Oui, bien sûr, ils partiront. 8. Je me demande si je vais dormir. Mais oui, tu dormiras. 9. Je me demande si ça va marcher. Mais oui, ça marchera.